الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers auditeurs, nous commençons ce soir une nouvelle série de cours concernant le bon comportement. Comme vous le savez, le comportement est d'une grande importance dans notre religion. Et de nombreux textes du Coran et de la Sunna incitent le croyant à chercher à se parer des nobles caractères et du bon comportement, à purifier son âme des comportements vils et abjects afin de s'élever en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfaire les comportements est une des raisons pour lesquelles le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Il a dit dans le hadith authentique, « Je n'ai certes été envoyé que pour parfaire, que pour compléter les nobles caractères, les nobles comportements. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Kama arsalna fikum rasulan minkum, yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum. » Comme nous avons envoyé parmi vous un messager pris parmi vous, qui vous récite nos versets et vous purifie. L'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit dans l'explication de ce verset, au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « wa yuzakkikum » et il vous purifie, c'est-à-dire, il purifie vos comportements et vos âmes, en les éduquant aux beaux comportements et en les préservant des comportements vils et abjects. Et ce, en les purifiant du polythéisme, en le remplaçant par le tawhid, le culte exclusif voué à Allah, en les purifiant de l'ostentation par la sincérité, l'ikhlas, en les purifiant du mensonge par la véracité, en les purifiant de la trahison par l'honnêteté, en les purifiant de l'orgueil par l'humilité, en les purifiant du mauvais comportement, en le remplaçant par le bon comportement, et ainsi de suite parmi les formes de purification. Ceci est donc une des raisons pour lesquelles le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, et lui-même était paré du meilleur des comportements. Allah subhanahu wa ta'ala a d'ailleurs fait son éloge à ce sujet, lorsqu'il a dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » et tu es certes d'une moralité éminente. Et lorsque Aïcha, radiyallahu anha, a été interrogée au sujet du comportement de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle répondit, son comportement était le Qur'an. Son comportement était le Qur'an. Qu'est-ce que cela signifie? Al-Hafid ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, explique cela en disant, cela signifie qu'il s'est imposé à lui-même de ne faire que ce qui est ordonné dans le Coran, et de ne délaisser que ce qui est interdit dans le Coran. La soumission aux ordres de son Seigneur est donc devenue son comportement et sa nature. Salawatullahi wa salamuhu alayhi ila yawmiddin. Que les prières d'Allah et son salut soient sur lui jusqu'au jour de la résurrection. Tel était donc le comportement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, radiyallahu anhum, ont donné une grande importance à cela et eux-mêmes veillé à se parer des nobles comportements, en se basant sur ce qui est venu dans le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont pour nous des exemples à ce sujet. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit au sujet des compagnons, « Allah les a choisis pour tenir compagnie à son prophète et pour établir sa religion. » Reconnaissez donc leurs mérites et suivez leurs traces et cramponnez-vous autant que vous pouvez à leur comportement et à leur conduite, car ils étaient certes sur une bonne voie qui était droite. Radiyallahu anhum. Il est donc attendu du croyant qu'il suive l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des meilleurs hommes de cette communauté après lui qui sont les compagnons, radiyallahu anhum, afin de se parer de ce noble comportement. Et le bon comportement fait partie des degrés les plus éminents de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant le plus complet en termes de foi est celui parmi eux qui a le meilleur comportement. » Donc ceci est un signe de la perfection de la foi. Et ce bon comportement, si tu cherches à te parer de celui-ci, alors tu feras partie des gens les plus aimés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les plus proches de lui au jour de la résurrection. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Il y a certes parmi ceux que j'aime le plus et qui seront le plus proches de moi au jour de la résurrection, ceux parmi vous qui ont les meilleurs comportements. » Ceci doit te pousser à chercher à améliorer ton comportement. De la même manière, le bon comportement place le musulman parmi les meilleurs des gens. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Il y a certes parmi les meilleurs d'entre vous, ceux qui ont les meilleurs comportements. » Il a dit aussi, nous démontrant que le bon comportement fait partie des œuvres les plus immenses par lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance du croyant au jour de la résurrection que le bon comportement. Et par ce bon comportement, le musulman peut atteindre le degré de ceux qui jeûnent le jour et prient la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant atteint par son bon comportement le degré du jeûneur et du prieur, c'est-à-dire celui qui jeûne le jour et qui prie la nuit. » Voyez donc tous ces hadiths qui nous démontrent le mérite immense du bon comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint d'adopter un bon comportement. Comme il l'a dit à Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen en tant que prédicateur. Il lui a adressé cette célèbre recommandation, dans laquelle il lui dit « Crains Allah où que tu sois, fais suivre la mauvaise action par une bonne qui l'effacera et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. » Comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Ceci est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce noble compagnon radiyallahu anhu. Et ce car le bon comportement fait partie des meilleurs moyens pour appeler les gens à l'islam, appeler les gens à la droiture, appeler les gens au suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui médite sur les nombreux textes qui sont rapportés à ce sujet concernant notre messager sallallahu alayhi wa sallam, il verra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adoptait toujours le meilleur des comportements, quelle que soit la situation. Et ceci fait partie des raisons qui ont poussé nombre de personnes à entrer en islam et à suivre son message. Combien de compagnons sont entrés en islam en raison du noble comportement de notre messager sallallahu alayhi wa sallam? Et on se doit de le prendre pour exemple sur cela. Veillez à adopter un bon comportement et chercher à avoir un bon comportement. Et il n'y a pas de doute que, parmi les causes les plus immenses te permettant d'atteindre cet objectif, il y a l'invocation. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il t'aide à avoir un bon comportement. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui invoquait Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Wahdini li ahsani al-akhlaq, la yahdi li ahsaniha. » « Illa ant » et guide-moi vers les meilleurs des comportements, car nul ne guide vers les meilleurs des comportements si ce n'est toi. » Et il disait aussi sallallahu alayhi wa sallam « Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi » « Oh Allah, comme tu as parfait mon apparence, alors parfait mon comportement. » Ceci fait partie des causes les plus immenses pour atteindre cet objectif immense qui est d'adopter les meilleurs des comportements. Et sachez, mes frères et sœurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est porté garant d'une maison au plus haut du paradis pour celui qui se pare d'un bon comportement. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Je suis garant d'une maison au plus haut du paradis pour celui qui parfait son comportement. » Et ce bon comportement fait partie des causes les plus immenses permettant à la personne d'entrer au paradis après avoir obtenu l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir été préservé du feu de l'enfer. Donc en raison de tous ces mérites, Nos pieux prédécesseurs, rahimahumallahu ta'ala, donnaient une grande importance à l'étude du bon comportement. Car ils savaient que la clé de la réussite est la base du bonheur et que la personne cherche à purifier son cœur en se parant des nobles comportements légiférant en islam. Et ce sujet est d'une telle importance que Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, a dit « Le comportement a failli représenter les deux tiers de la religion. Ce n'est donc pas une chose à négliger. Et le noble comportement te permettra d'augmenter en termes de science et de piété. Et nul doute que personne n'a été privé de science et de bonne religiosité si ce n'est en raison d'un manque de comportement. En effet, nombre de personnes se privent de la science en raison de leur mauvais comportement. Ils se privent également de nombreuses bonnes actions et d'une bonne religiosité en raison de leur manque de comportement. Wallahu al-musta'an. C'est pour cela que nos pieux prédécesseurs, rahimahumallahu ta'ala, veillaient à apprendre ces comportements et également encourager les autres à apprendre qu'est-ce que le bon comportement afin de pouvoir l'adopter. Et il est nécessaire de savoir qu'en raison de cette importance, ils voyageaient même pour acquérir les bonnes manières et le bon comportement. De la même manière qu'ils voyageaient pour apprendre le hadith et la science religieuse. Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, a dit « Ils apprenaient les bonnes manières de la même façon qu'ils apprenaient la science. » Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah, qui est un des nobles élèves de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit que les compagnons de Abdullah, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré, voyageaient vers lui et ils observaient son aspect, sa conduite et ses bonnes manières, puis ils s'assimilaient à lui. Ils voyageaient vers lui pourquoi ? Pour observer son aspect, observer sa conduite, observer ses bonnes manières, observer son comportement. Puis ils s'assimilaient à lui, ils cherchaient à lui ressembler. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, a dit « J'ai appris le comportement durant 30 ans et j'ai appris la science durant 20 ans. » Et il recherchait et apprenait le comportement, puis ensuite la science. Et c'est cela qu'il recommandait aux plus jeunes parmi eux. Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala, a dit à un jeune homme de Quraysh, « Yabn Akhi, apprends le comportement avant d'apprendre la science. » Apprends le comportement avant d'apprendre la science. Et combien sont ceux aujourd'hui à être privés de bons comportements, sans même se soucier à savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Nombreux sont ceux à être restés sur les conduites et les manières qu'ils avaient, ou bien avant l'islam, ou avant le suivi de la sunna et leur cheminement sur la voie de la droiture. Et ceci est une grave erreur, mes frères et sœurs. On doit chercher à purifier nos âmes, purifier nos cœurs, purifier nos comportements. Ne pas faire prévaloir les coutumes ou les habitudes des gens au-dessus de ce qui est légiféré dans notre législation en matière de comportement. Et celui qui ne veille pas à corriger son comportement et à se réformer, alors il n'y a pas de doute qu'il sera privé d'un grand bien en termes de science et de religion. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, « Celui qui néglige le comportement sera sanctionné par le fait d'être privé des sunanes. » Les sunan du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est un grand danger. Donc le musulman doit faire des efforts pour se parer de ses nobles comportements. Et parmi les moyens d'acquérir les nobles comportements, il y a le fait d'être assidu aux assises des gens de science qui mettent en pratique cette science. Ceux qui se sont parés d'une bonne religiosité, qui font preuve de piété. Ceux dont la parole ou le silence n'a lieu que d'une bonne manière, avec politesse et bon comportement. Ceux qui se comportent d'une bonne manière avec leur Créateur, en l'adorant de la meilleure des façons, et qui se comportent d'une bonne manière avec les créatures, en faisant preuve de politesse, de savoir-vivre, et en veillant à ne leur causer aucun tort et aucune nuisance. Si tu fréquentes ces personnes, que tu veilles à être assidu à leurs assises, que tu cherches à t'en rapprocher, alors tu dois veiller à les suivre dans ces comportements. Al-A'mash, rahimahullah ta'ala, a dit, ils apprenaient du faqih, de la personne de science, toute chose, même sa manière de se vêtir et de se chausser. Et ce, car la personne de science, elle est censée faire des efforts pour suivre la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam en toutes choses et même dans ces sujets. Donc les salafs, rahimahumallah ta'ala, ils cherchaient des enseignants modèles. Ils n'apprenaient pas la science auprès du premier venu. Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, lorsqu'il venait auprès d'un homme afin de prendre la science, ils observaient sa prière, ils observaient sa conduite, ils observaient ses manières, puis ensuite, ils prenaient de lui la science. C'est-à-dire qu'ils ne veillaient à ne prendre la science que d'une personne au bon comportement, car ils avaient besoin de s'instruire à ce sujet. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de musulmans font l'erreur de ne pas donner d'importance à ce sujet. Et ils vont écouter des personnes qui ont été privées de nombreux bons comportements, même dans leur manière de parler. Certains se mettent en avant dans l'enseignement et dans le prêche, alors qu'ils n'ont pas veillé à s'éduquer eux-mêmes avant de chercher à éduquer les autres. Ils parlent d'un langage de rue, ils parlent de manière impolie, et se placent en tant qu'enseignant et éducateur pour les gens. Que va-t-il apporter à son auditoire, si lui-même ne s'est pas réformé et n'a pas adopté une bonne conduite, un bon comportement, une bonne manière de parler? Celui-ci a besoin de se purifier en premier avant de chercher à purifier les autres. Et ces personnes qui l'écoutent et qui sont présentes dans ces assises ne se rendent pas compte qu'en écoutant ce genre de personnes et en prenant ces personnes pour modèles et pour guides, alors ils seront loin de s'éduquer, loin de s'élever en degré, loin d'avancer sur la voie de la droiture afin d'adopter des nobles comportements et des caractères éminents. Donc je souligne ce point car il est d'une grande importance aujourd'hui, d'autant plus depuis l'apparition de ces réseaux sociaux qui ont permis à n'importe quel incompétent de se mettre en avant et d'enseigner la religion. Alors que nombre d'entre eux sont loin d'en avoir les aptitudes, aussi bien sur le plan du comportement que sur le plan de la science. Car, comme on l'a dit, généralement, le manque de comportement mène à la privation de beaucoup de science. Wallahu al-musta'an. Et nos salafs, rahimahumullah ta'ala, comme on a dit, ils veillaient à profiter du comportement de leur enseignant. Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, a dit, nous nous rendions auprès du savant, et ce que nous apprenions de lui, de son comportement, était plus aimé pour nous que ce que nous apprenions de lui comme science. Et on rapporte également qu'il y avait, dans l'assise de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, 5000 personnes. 500 écrivaient, c'est-à-dire écrivaient de lui la science et le hadith, et les autres apprenaient de lui le bon comportement et les bonnes manières. Subhanallah. Ils apprenaient de lui le bon comportement et les bonnes manières. Donc comme on a dit, ceci est une des manières d'apprendre le bon comportement. Veillez à s'entourer des bonnes personnes qui vont te mener à te corriger et à te réformer. Et en parallèle de cela, il est nécessaire d'apprendre également les bons comportements à travers l'étude des livres et des ouvrages écrits par nos savants à ce sujet. Car les gens de science ont donné une grande importance à cela. Et de nombreux livres ont été écrits au sujet du bon comportement. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons déjà sur cette radio étudié ensemble un chapitre du livre « Bulugh al-Maram » d'Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, concernant le bon comportement. Et nous avons vu, pour ceux qui ont suivi les cours avec nous, plus d'une centaine de hadiths à ce sujet. Et dans cette série que nous commençons aujourd'hui, nous allons voir, incha'Allah ta'ala, une épître concise qui est comme un guide résumé de nombreux points au sujet du bon comportement. Et ce livre est appelé « Fusul al-Adab wa makarim al-akhlaq al-mashru'a » chapitre sur les comportements ou les politesses et les nobles caractères légiférés, c'est-à-dire légiférés dans le Coran et la Sunna. Et ce livre a été écrit par Ibn Aqil, rahimahullah ta'ala. C'est un savant Hanbali, appelé Abul Wafa Ali Ibn Aqil Ibn Muhammad Ibn Aqil Ibn Ahmad Al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala. Il est né à Bagdad en l'an 431 de l'Hégire. Donc vous voyez que c'est un savant parmi les savants anciens des premiers siècles de l'islam. Il a grandi dans une maison de science et a commencé à s'instruire religieusement en l'an 447. Donc on a dit qu'il est né en 431. Et en l'an 447, il a commencé à apprendre la science, c'est-à-dire à l'âge de 16 ans. Il a dit, rahimahullah, « Allah m'a préservé de différentes manières durant ma jeunesse. Et il a fait que mon amour s'est restreint à la science et aux gens de science. Je ne me suis jamais mélangé à de grands joueurs et je n'ai fréquenté que mes semblables parmi les étudiants en sciences. » Lorsqu'il a atteint l'âge de 27 ans, il a été mis en avant pour émettre des avis juridiques, émettre des fatawas, et ce en présence de personnes qui étaient plus âgées que lui. Il a donc émis des fatawas en présence de grands savants, et ce car il avait réuni une science abondante. Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, dit à son sujet, il s'occupait constamment par la science. C'était cela son occupation, la science. Que ce soit son apprentissage, sa révision, son écriture, son enseignement, et ainsi de suite. Et Ibn Aqil, rahimahullah, il fait partie des imams des Hanabila, des savants du madhab de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Il a appris la science auprès du shaykh de ce madhab, Al-Qadi Abi Ya'la, rahimahullah, et auprès de ceux présents après lui. Il fait donc partie des références dans le madhab Hanbali. Malgré cela, comme l'a dit Al-Hafidh ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, à son sujet, il parlait beaucoup en faisant des efforts d'interprétation et en veillant à chercher l'avis prépondérant et à suivre la preuve qui lui apparaissait. Et il disait, l'obligation est le suivi de la preuve et non pas le suivi de Ahmad, rahimahullah ta'ala. Et Ibn Aqil, rahimahullah, comme l'a décrit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il faisait partie des gens intelligents dans ce monde. C'est-à-dire qu'il était doté d'une grande intelligence. Et malgré cette science, malgré cette application à la préservation de son temps et à ne s'occuper que par la science, ce grand savant est tombé dans des erreurs concernant la aqida, concernant la croyance, et plus particulièrement concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce car, il a été influencé par les Mu'tazila, la secte des Mu'tazila. Il se rendait auprès de deux cheikhs des Mu'tazila et il lisait auprès d'eux secrètement Ilm al-Kalam, la science de la rhétorique. Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, le fait qu'il se réunisse avec Abu Bakr al-Khatib et ceux qui étaient présents à son époque parmi les imams mémorisateurs comme Abu Nasr, Ibn Ma'kula, al-Humaydi et autres, aurait été meilleur pour lui et plus profitable que de se réunir avec Ibn al-Walid et Ibn Tabban. Et le fait de délaisser leurs assises, c'est-à-dire les assises des grands imams, mémorisateurs, et ce qui l'a privé d'une science profitable en réalité. Toutefois, la perfection appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci est la parole d'Ibn Rajab, rahimahullah, au sujet d'Ibn Aqil. Et en l'an 461, certains de ses compagnons ont eu connaissance de certains livres d'Ibn Aqil, dans lesquels il manifester une certaine révérence pour la secte des Mu'tazila, comme en implorant la miséricorde en faveur d'Al-Hallaj. Alors, ils firent preuve de sévérité à son égard, et ils l'ont réprimandé, jusqu'à ce qu'il se retire, et qu'il reste en retrait jusqu'en l'an 465 de l'Hégire, c'est-à-dire durant environ 4 années. Et c'est alors qu'il a manifesté son repentir et son retour à la voie des gens de la Sunna. Et il a écrit de sa main à ce sujet, Ali ibn Aqil ibn Muhammad dit, je me désavoue auprès d'Allah des voies innovées de l'i'tizal, c'est-à-dire des Mu'tazila et autres, et de la fréquentation de leurs leaders, de la révérence de leurs adeptes, de l'imploration de leur miséricorde pour leurs prédécesseurs, et ce que j'ai pu écrire ou ce qui peut être trouvé de mon écriture concernant leurs voies et leurs égarements. Alors je me repens à Allah d'avoir écrit cela, je n'autorise pas de l'écrire, ni de le lire, ni d'y croire. Il s'est donc repenti clairement de cette voie, rahimahullah ta'ala, avant sa mort. Malgré cela, les gens de science ont mentionné qu'il y avait toujours chez lui certaines erreurs concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet desquels il s'opposait à la voix des gens de la sunnah. C'est pour cela que Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit à son sujet, il apparaît de lui, c'est-à-dire d'Ibn Aqil, de temps à autre, une forme de déviance de la sunnah et une interprétation, c'est-à-dire une interprétation erronée, de certains attributs. Et il n'a cessé d'être sur cela jusqu'à sa mort, rahimahullah ta'ala. Et Ibn Aqil, rahimahullah ta'ala, est mort en l'an 513 de l'Hégire, et on rapporte que on priait sur lui environ 300 000 personnes, qu'Allah lui fasse miséricorde, lui pardonne et l'élève en degré. Donc j'ai tenu à mentionner cette biographie concise de l'auteur avant d'entamer la lecture du livre, car il y a dans celle-ci de nombreux bénéfices pour tout musulman. En effet, on voit à travers cela, à travers l'histoire de cet imam, le danger de la fréquentation des gens de l'innovation. Ne pense pas que sous prétexte que tu connais la vérité, tu es à l'abri de leurs égarements. Celui qui fréquente des gens finira par se lier d'amitié avec eux et finira inévitablement par être influencé par ces derniers, qu'ils le veuillent ou non. Et la fréquentation de ces personnes démontre une certaine amitié et un certain amour pour ces personnes. Car, comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, l'homme ne fréquente que ceux qu'il aime. Évaluez les gens en fonction de leur fréquentation, car l'homme ne fréquente que ceux qu'il aime. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a certes dit, l'homme est sur la religion de son khalil, de son bien-aimé, son ami bien-aimé, son ami proche. Donc en fréquentant les gens de l'innovation, l'homme se lie d'amitié avec eux. Et il se fait ensuite influencer par eux, au risque de les suivre sur leur voie déviante et erronée, wal'ayadu billah. Également, on voit à travers son récit le danger de l'innovation et le danger des ambiguïtés, qui lorsqu'elles atteignent le cœur, on ne sait pas si elles pourront un jour en sortir ou non. N'oubliez jamais que les cœurs sont faibles. N'oubliez jamais que personne n'est à l'abri. Et certes, comme l'ont mentionné les savants, les cœurs sont faibles et les ambiguïtés sont captivantes. Et combien de personnes sont touchées par une ambiguïté ? Sans se rendre compte de son danger au départ, et celle-ci les conduit à l'égarement ou à l'iyadu billah, et elles n'arrivent plus par la suite à se débarrasser de ses égarements et de ses ambiguïtés. Regardez Ibn Aqil, rahimahullah, il s'est repenti de cela. Malgré cela, certains savants ont dit qu'il restait chez lui certaines erreurs au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vois également à travers cela le danger d'écouter et consulter les paroles ou les écrits des gens de l'innovation. Nombre de nos frères et sœurs ont dû laisser aller du laxisme à ce sujet. Ils vont sur les réseaux sociaux et lisent tout ce qui leur est présenté et écoutent ou regardent tout ce qui leur est présenté, sans chercher à faire le tri entre le bon et le mauvais. Tu écoutes une parole, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Puis l'égarement et l'innovation s'ancrent dans ton cœur, walayadu billah. Nul parmi nous ne doit se sentir à l'abri. Même si tu as de la science, même si tu es intelligent, la fermeté sur la droiture est une chose inestimable. Et celle-ci est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde à qui il veut parmi ses créatures. Mais il nous est demandé de faire les causes pour pouvoir rester ferme. Et parmi ces causes, le fait de s'éloigner et s'écarter des gens de l'innovation et de l'égarement. S'écarter d'eux physiquement et s'écarter d'eux de sorte à ne pas les écouter, à ne pas lire leurs écrits, à ne pas lire leurs publications sur les réseaux sociaux, à ne pas consulter leurs vidéos ou leurs audios, et ainsi de suite. Même si tu sais qu'ils sont sur le faux, ne consulte pas leurs paroles. Tu ne sais pas, il se peut qu'une ambiguïté entre dans ton cœur, puis qu'elle n'en sorte jamais, wal'iyadu billah. Donc fais des causes pour te préserver. Et parmi les causes les plus importantes, faites que tu veilles à ne prendre la science et étudier ta religion qu'auprès d'une personne parmi les gens de la sunna, digne de confiance, de laquelle tu pourras prendre de sa science, de sa religiosité et de son comportement, Inch'Allah ta'ala. Ceci était donc quelques leçons tirées de ce récit et de cette courte biographie que l'on a mentionnée de ce savant, rahimahullah ta'ala, qui est l'auteur de ce livre que nous allons étudier. Le temps étant terminé, nous ne pourrons pas commencer la lecture du livre aujourd'hui, mais nous la commencerons dès le cours prochain, Inch'Allah ta'ala, et nous verrons le premier chapitre qui concerne les règles des salutations en islam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.